L'objet de ma relation, c'est la représentation des femmes dans l'Afrique orientale italienne. Le point de départ de ma réflexion est un corpus de documents très spécifiques, c'est-à-dire le fonds de Ciro Poggiali, versé par son fils à l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia de Milan, il y a 2 ans. Je présenterai un très bref encadrement biographique comme le contexte, avant de proposer quelques réflexions sur 3 points. La représentation des femmes noires, des femmes blanches et de la vie sexuelle dans la colonie. Je conclurai en mettant en évidence des éléments acquis par la recherche et en indiquant des pistes encore à suivre. Poggiali, c'est lui à gauche. Né à la fin du 19e siècle, était journaliste, envoyé spécial pour le Corriere della Sera pendant les années 30 et 40. Je n'ai pas le temps de vous parler du Corriere della Sera, mais je rappelle seulement que le quotidien et son hebdomadaire illustré, La Domenica del Corriere, vendaient à l'époque respectivement 580 000 et 1 300 000 copies. Poggiali est arrivé en Éthiopie fin juin 1936, peu après la déclaration de l'Empire. Il a beaucoup voyagé dans la région et est reparti pour l'Italie fin septembre 1937. Ce sont donc les premiers moments de vie de l'Empire qu'il documente, en utilisant plusieurs moyens, des articles pour le Corriere et la Domenica, des photos, un volumineux essai sur la région publié au retour d'Éthiopie, Albori dell'Impero, et un journal intime, Viaggio in Aoi, qui ne sera publié que dans les années 70 après sa mort. Donc, des sources écrites et iconographiques, officielles et privées. Les comparer par rapport au sujet qui nous préoccupe est un travail très fécond. Le point de départ de ma réflexion a été, comme je le disais, le fonds conservé à Milan par l'ISMLI. C'est un fonds photographique, donc on revient à la question, qui comprend 476 photographies, dont 18 cartes postales. D'autres photographies envoyées au journal par Poggiali ont été repérées au centre de documentation du Corriere della Sera. Les auteurs des documents sont différents, on le voit un peu ici. Poggiali lui-même, des photographes professionnels provenant surtout de l'Istituto Luce et d'autres journalistes. Donc, même si le fond n'est pas extrêmement vaste, cette caractéristique, jointe à l'abondante typologie des sujets représentés, en fait une sélection significative de photos de sujets coloniaux qui circulaient largement dans la colonie et en Italie à l'époque. En examinant les photos, la première impression est celle d'un monde très masculin. L'impression est beaucoup moins nette, d'ailleurs, en lisant le journal intime. La guerre était terminée il y avait peu de semaines et la présence militaire est très, très forte. En plus, le milieu journalistique, surtout italien, était uniquement masculin. À ces considérations, il faut cependant ajouter la difficile émergence de la présence féminine, surtout européenne, aux colonies. Parmi les photos du fonds Poggiali, seulement 14% présentent des sujets féminins. De ce pourcentage, un tiers sont des images de sujets ouvertement érotiques. Des femmes blanches paraissent seulement dans 9 photos, c'est-à-dire 1,8% du total. Les historiennes et les historiens qui ont réfléchi sur la représentation des femmes dans le contexte colonial ont concentré leurs efforts surtout sur la représentation des femmes africaines. C'est une représentation qui vient de très loin. On peut déjà lire Abélard qui, en 1134, écrit à Héloïse en se rapportant à l'épisode biblique de l'épouse éthiopienne de Moïse. Si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment très intéressant de lire. Je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Par la suite, les voyageurs et plus tard les ethnographes et les anthropologues on continue à dépeindre les femmes africaines selon les stéréotypes orientalistes. La propagande fasciste a eu bon jour à récupérer cet imaginaire déjà très répandu. La représentation des femmes indigènes retombe dans 2 typologies. Selon la tradition ethnographique, l'incarnation d'un type, ou le tableau de genre, ou bien la photographie érotique. Donc, les images franchement pornographiques sont entières des images de femmes qui apparaissent dans ce fond, dans un rapport numérique auquel on peut bien donner, je crois, une valeur statistique plus générale. Ce sont aussi les images les plus étudiées, pour l'évidence des rapports de domination qu'elles mettent en scène, pour leur abondance, pour l'utilisation que la propagande en a fait et pour leur persistance dans l'imaginaire italien. Il s'agit surtout des cartes postales, très populaires et très répandues, surtout parmi les militaires. Il s'agit pour la plupart d'images d'un orientalisme de gueux, avec des éléments qui nous parlent des fantaisies érotiques des hommes blancs occidentaux de l'époque. Fantaisies expérimentées en toute liberté avec des femmes qui sont pour la plupart des prostituées et qui ajoutent à ce stigmate celui de la race. Je ne veux pas du tout amoindrir l'importance de ces photos, mais je trouve qu'elles ont été peut-être un peu surévaluées. La photographie érotique a évidemment une longue histoire, et il ne faut pas négliger de lire ces images dans cette tradition, avec leurs spécificités, bien sûr, mais aussi avec leurs points communs. Je crois qu'elles nous parlent plus des rapports de domination de classe et de genre que des rapports de domination coloniale, que je retrouve plutôt dans d'autres typologies de photos. Sur les images qui représentent les femmes des dignitaires éthiopiennes, les 8-0, échappent au moins en partie à la bipartition poreuse entre représentation ethnographique et érotique. Il s'agit de photographies plutôt rares, mais qui donnent une représentation moins agressive des femmes africaines. Elles sont souvent photographiées lors d'occasions officielles ou dans une ambiance domestique, éléments de contexte qui leur attribuent une fonction et un rôle social respectable et reconnaissable. L'appartenance à une classe sociale plus élevée permet donc à ces femmes d'éviter en partie les stéréotypes les plus grossiers. En comparant ces images avec les écrits de Poggiali, on est confronté à un désaccord. En écrivant, il n'hésite pas à utiliser un ton ironique pour se moquer des coutumes primitives des femmes africaines, même de celles qui appartiennent aux couches les plus élevées de la société éthiopienne. Une dichotomie en ce qui concerne la représentation des femmes se retrouve d'ailleurs très fréquemment dans les documents du Fonds Poggiali, reflet d'une part de la double nature privée-publique de ses écrits, et d'autre part d'une bifurcation dans l'attitude fasciste par rapport aux femmes et au rôle des colonisateurs quant à la question du genre. Beaucoup d'articles de Poggiali et d'autres soulignent le retard des coutumes sociales éthiopiennes. L'esclavage avant tout, mais aussi l'insuffisante sauvegarde de la maternité, les abus des hommes éthiopiens sur leurs femmes, toutes conditions que les conquérants seraient là pour corriger. Donc on se décrit comme innovateur des relations entre hommes et femmes aux colonies, lorsque même en Italie la situation est bien différente. D'ailleurs, dans son journal intime, Poggiali, relatant un procès pour une reconnaissance de paternité, n'hésite pas à se moquer de la prétention d'améliorer les conditions des femmes éthiopiennes qui, au moins dans certaines sphères, il reconnaît même plus avancées que celles des femmes italiennes. Je cite « À la cour d'appel pour les indigènes présidée par M. Bellini, on plaide une cause de reconnaissance des paternités. Il s'agit du fils adultérin d'un indigène aisé, mort sans d'autres enfants. Tous les indigènes, parents éloignés, très juste la recherche de la paternité. Et on parle de civilisation. Chez nous, on n'en est pas encore là. » Il faut aussi se souvenir que Poggiali arrive en Éthiopie immédiatement après la proclamation de l'Empire, c'est le moment d'une forte rupture dans l'attitude fasciste envers la colonie et ses habitants. Les priorités changent vite. Le métissage devient une menace à combattre à tout prix. D'ici à quelques mois, apparaîtront les lois raciales et la ségrégation totale entre colonisateurs et colonisés. Ce détournement comporte un changement radical dans la représentation des nouvelles femmes assujetties aussi. C'est un changement radical et subi, et qui ne donnera à vrai dire que des résultats très partiaux. L'autre face de la même médaille, c'est la tentative de favoriser l'arrivée massive des femmes blanches. Ici, on en voit juste une à côté. Considérée comme la meilleure solution au problème des liaisons entre hommes blancs et femmes noires et comme élément de stabilité sociale, fondamental pour une colonisation qui se dit démographique. Le déséquilibre entre les deux composants aux colonies, surtout en Éthiopie, restera un problème jusqu'à la fin de l'expérience coloniale italienne. La propagande commence donc à travailler dans cette direction, mais l'insistance sur le sujet n'est pas constante. Et surtout, la propagande utilise beaucoup moins de photos que prévu. En général, les images des femmes italiennes aux colonies ne sont publiées que très rarement. Il faudrait s'interroger sur cette absence, qui ne peut être expliquée uniquement par leur nombre limité sur le territoire. Le 31 mai 1936, la Domenica del Corriere publie un reportage sur deux pages intitulé La femme italienne traduite en temps de paix, très forte en temps de guerre. Il est accompagné de ses photographies. La situation est toujours très pasteurisée. L'ambiance est celle de la patrie ou, en tout cas, un lieu clos. On est loin de la force de la nature et des ambiances pittoresques que la plupart des photographes aiment montrer sur leurs photos d'Afrique. Il est facile de déchiffrer dans ces représentations un modèle très clair de la femme italienne, propre, digne, douce, sérieuse, entièrement vouée à la cause. Et c'est même très évident de voir l'opposition à la femme africaine, stéréotype contre stéréotype. Le fond de Poggiali ne s'éloigne pas trop de ce modèle. La plupart des images représentent les femmes dans un contexte officiel, pendant des manifestations publiques ou pendant des soirées mondaines. On l'a vu même avec la relation de Barbara pour la Libye. Il n'y a que deux images qui représentent des modèles un peu différents. L'une, c'est une photo d'une femme grande, en habit très simple, avec son mari devant leur ferme. L'autre est la photo d'un campement de journalistes dans la savane. Parmi eux, assis devant une tente, une femme en tenue coloniale, selon toute probabilité, Edith de Bonneuil. Évidemment, on ne peut pas tirer des conséquences de l'analyse de ces deux seules photos, mais la comparaison avec les images publiées nous autorise au moins à réfléchir sur le fait que, dans les deux cas, il s'agit de femmes étrangères, pas des Italiennes. Sur ces photographies, les seules femmes qu'on voit en train d'exercer une activité en plein air avec des autochtones sont des religieuses, avec des enfants. Et la Domenica del Corriere publie dans l'article « Pour la santé de nos soldats en Afrique » une photo avec des sœurs infirmières dans le service maternité de l'hôpital de Mogadiscio. Dans ce cas, ce n'est pas leur nationalité qui les protège, pour ainsi dire, en les rendant ainsi représentables, mais leur voile. Il est curieux qu'on ne recourt pas davantage à la représentation des femmes aux colonies, même quand la politique du régime exerce une pression pour augmenter leur présence. Je crois que c'est l'une des pistes à suivre dans ce domaine. Parmi les images disparues de la vie coloniale, on peut insérer aussi celles de prostituées blanches, au moins de prostituées italiennes, tant que je sache. L'arrivée des prostituées blanches est fondamentale, est considérée fondamentale, mais en même temps, il risque de montrer les femmes italiennes d'une façon qui les diminue aux yeux des hommes africains. Il faut contrôler l'image de ses propres femmes. Le premier expédient imaginé, c'est d'emporter des prostituées étrangères. Poggiali raconte l'histoire d'un groupe de prostituées françaises envoyées en Éthiopie italienne. Le groupe est renvoyé en France par les autorités françaises avec la motivation qu'il nuirait à l'image de la nation. Poggiali est presque scandalisé par cette réaction, tant et si bien que, dans son essai, il écrit « La France, qui, selon une vieille tradition, a provisionné de ses étaïres tous les lupanards du monde, sans aucun scrupule, mais au contraire, en traitant cette matière comme n'importe quelle autre matière commerciale à haut revenu, a fait la fine bouche à l'égard de l'Italie et de sa nouvelle colonie. Il y a sans doute ici l'écho des polémiques sur les sanctions imposées à l'Italie par la Société des Nations, qui avait vu la France et la Grande-Bretagne en première ligne, mais aussi une tendance déjà saisie à distinguer entre nos femmes et les autres, ou on dirait plutôt entre nos femmes et les femmes des autres. Mais les convenances peuvent changer. Poggiali écrit dans Albori dell'Impero. On attendit qu'une vie assez normale s'organise dans les centres principaux de l'Empire, que la féminité italienne s'y soit admirablement immiscée dans ce qu'il y a de plus grande et de plus honnête, pour que l'autre féminité, moins exemplaire mais représentant une éluctible nécessité, y figure à son tour. Quelques pages plus loin, Poggiali raconte enfin l'arrivée du premier groupe de prostituées italiennes à Addis Abeba. Elles voyagent dans le même train que les filles du premier président de la cour d'appel. Ces derniers sont très surprises de l'accueil chaleureux qu'on réserve à leur train en arrivant en gare et répondent avec un enthousiasme patriotique au salut des soldats, sans se rendre compte de la méprise. Il est certain que l'espace colonial est un lieu où, pour différentes raisons, il est très difficile de garder les mêmes barrières éthiques et sociales en vigueur dans un pays catholique comme l'Italie. La colonie est clairement perçue et vécue comme un lieu privilégié de liberté sexuelle. Dans une autre partie de son journal intime, le journaliste raconte sa visite à l'aéroport de Dossier, où il est obligé de passer la nuit. Je cite. « Le soir, visite au village indigène. La nuit est noire. Chaque paillote loge une charmoute et un aviateur. Pour se faufiler dans le dédale des paillotes, on doit enjamber des couples tout occupés à faire l'amour. D'ailleurs, il vécut cette situation à la première personne. Dans son journal intime, il raconte très souvent ses visites dans les quartiers galants, comme il les appelle, ayant même été surnommé Desta parmi les prostituées de la capitale, je cite, pour en avoir connu une qui s'appelle Desta. Poggiali touche aussi à un vrai tabou de l'expérience coloniale, les relations ou les désirs existants entre les femmes blanches et les hommes africains. Il rapporte, sans trop s'étonner, la liaison supposée entre une femme allemande, médecin, et Ras Imiru, chef d'une bande de rebelles, et relate, en s'amusant mais sans stupéfaction, des histoires à Mogadiscio de femmes italiennes, épouses respectives d'un employé de la Banque d'Italie et d'un colonel, qui auraient eu des liaisons avec des Éthiopiennes. Il rappelle aussi les deux filles du propriétaire foncier russe Babichev, qui ont épousé respectivement deux chefs rebelles, Ras Nazibo et Ras Getachew. Pour compléter le tableau, il décrit l'arrivée dans la capitale de 250 Dubat. Il demande à l'un des Somaliens, en partance pour l'Italie, ce qu'il voudrait faire appena arrivé à Rome. Le jeune, qu'il décrit comme bellissimo, lui répond sans hésiter. Je veux vos femmes italiennes. Comme les blancs vouloir nos charmoutes, nous à Rome voulons vos charmoutes blanches. Poggiali commente amusé. Son capitaine s'attendait à ce qu'il réponde « Je veux voir le roi et Mussolini ». La solidarité de genre apparaît dans certaines occasions même plus forte que celle de race. Dans la littérature sur les sujets, les témoignages de liaison entre femmes blanches et hommes noirs dans un contexte colonial sont, on les comprend, presque absents. Le fait que Poggiali mentionne le sujet plusieurs fois est le signe que la question s'est posée était même prise en compte. Bien entendu, le cas devait être minime, mais la réticence des sources, je crois, y est certainement pour quelque chose. Je crois que le travail à faire étant encore vaste, il est difficile de tirer des conclusions. Je vais quand même conclure mon intervention en soulignant quelques éléments, mais principalement en proposant quelques pistes de recherche dont j'aimerais discuter avec vous pendant le débat. Avant tout, même si la colonisation italienne n'a pas été longue, elle a été capable, se rattachant ainsi à une longue tradition, de créer des modèles très persistants, surtout en proposant des images et des constructions violentes. Une des raisons à la base de cette ténacité est le fait qu'il s'agit de modèles dérivés d'un enchevêtrement complexe entre les différentes formes de domination, coloniale, raciale, de classe et de genre. Difficile donc à démêler, même car elles ne sont pas toutes caduques. Dans les documents du fond Poggiali, on retrouve une certaine schizophrénie également par rapport aux questions des genres. Schizophrénie qui remonte à une représentation fasciste ambivalente des femmes. Ambiguïté que d'ailleurs on ne retrouve pas dans les politiques pratiquées par le régime, imposant aux femmes un rôle strictement domestique et maternel. On reconnaît là une scission entre politique et représentation qui serait intéressant de creuser davantage. Une étude approfondie sur les femmes italiennes aux colonies serait un domaine tout aussi intéressant à explorer. Des récents travaux, on en a entendu un, à fouiller ultérieurement, ont tendance à réévaluer leur présence, même si les sources sont très difficiles à repérer. C'est d'ailleurs un écueil rencontré fréquemment dans l'histoire des femmes. Il faudrait réfléchir sur leur représentation, mais aussi sur leur responsabilité par rapport aux images créées par la domination masculine blanche. Bien entendu, ces journées sont en train de démontrer que la récente attention à ce sujet est en train de créer des méthodologies, des parcours documentaires et des réflexions qui rendent maintenant ce travail possible. Enfin, l'historiographie italienne doit encore travailler sur la comparaison entre les systèmes coloniaux. Je crois que, dans ce domaine, réfléchir sur les analogies et les différences apportées par des régimes, des politiques sociales et raciales, des cultures, des systèmes sociaux différents, pourrait nous aider à démêler l'embrouillamanie du colonialisme, du racisme, de l'oppression de classe et des genres qui étaient mises en acte dans la représentation des femmes dans le contexte colonial.